J'étais adossé à un grand chêne, à refaire le monde plein de roses, des fleurs dans les cheveux, mais des idées blondes à donner à ces rêveurs exaspérants, avec leur sac et leur guitare, fabriquant de l'utopie pour un bout de papier. Allez, jurons sur nos plages, en ôtant tous leurs pavés, en disons bien, que l'avenir est rêveur. Un jour j'ai croisé un mec, un sac poubelle sur la tête, un peu timbré, un peu fêlé. Il avait bâti une échelle, avec sa grande échelle on peut se rendre à la lune. Il m'a donné un ticket gratuit, et allez allons-y. Là-haut sur la lune j'ai fait des lettres en kilomètres, et j'ai écrit: l'avenir est rêveur.